comment, vers quoi va se diriger les relations d'hommes et femmes, le couple, etc., la famille? Je crois que le couple, comme tout, la matière, comme la forme, sera muté. Il y aura transmutation à tous les niveaux. C'est inévitable, puisque l'homme sera de plus en plus imbu d'esprit, donc il y aura mutation, transmutation de la forme. Et je crois que le couple que nous connaissons, que nous avons connu dans le passé, qui était fondé sur l'insécurité, qui était fondé sur un amour subjectif, personnel, qui était fondé aussi sur certaines règles du jeu, comme nous connaissions il y a 25 ans dans la relation entre le mariage et l'Église, ainsi de suite, le couple sera transmuté, c'est-à-dire que les individus, dans ce temps-là, vivront le couple non plus en fonction d'une insécurité émotive, mais en fonction de leur esprit. Donc, l'individu, l'homme et la femme, étant tous les deux dans leur esprit, c'est-à-dire dans leur intelligence créative, ayant connu la synthèse de leur émotion et de leur mental, de leur intellect, seront capables de vivre une alliance que nous appellerons, le couple, mais une alliance qui sera forte, qui sera un roc, qui ne sera plus assujetti aux forces extérieures, mais qui sera une composante intégrale du pouvoir créatif de l'homme et de la femme, et ça, tant que ces deux êtres seront sur le plan matériel. Autrement dit, le couple dans l'avenir, je le vois comme étant une nouvelle redéfinition de l'alliance entre l'homme et la femme, mais cette fois, cette alliance sera le produit de la gestion du matériel créatif de l'homme et de la femme, et non plus le produit de l'approbation sociale, ou l'orientation sociale, ou la volition sociale, afin de permettre que la société soit régie sur le plan de l'expérience par des paramètres qui stabilisent son économie politico-sociale. Le couple sera totalement éternisé, c'est-à-dire que le couple sera quelque chose de créé par l'homme et la femme, pour l'homme et la femme, et non pour la société. Mais il y aura automatiquement un bien-être social qui résultera de cette nouvelle redéfinition du couple, parce que à ce moment-là, le couple ne sera plus sujet aux crises qu'il a connues dans le passé. Donc le couple sera beaucoup plus stable, il sera beaucoup plus beau, il sera dans un sens cosmique, c'est-à-dire qu'il sera réel. Donc un échange qui se ferait vibratoirement au niveau de l'esprit plutôt qu'en faisant entrer des composantes émotionnelles. Voilà. Est-ce qu'il peut en être de même en rapport avec les gouvernements, les pays, les races, etc.? Est-ce qu'il est possible d'avoir des échanges à ce niveau-là qui soient ceux de l'esprit plutôt que... Oui, ce sera la même chose. Parce que l'esprit est une force cosmique, est une force dans l'universel qui pénètre tous les aspects de la vie d'une planète. L'esprit, ce n'est pas simplement quelque chose qui se manifeste sur le plan de l'individu. C'est quelque chose qui passe par l'individu, mais qui a des retombées incroyables à une échelle infinie. Et éventuellement, les gouvernements seront affectés par cette énergie. Et nous verrons dans les gouvernements des individus ressortir de la grande masse politique et commencer à redéfinir l'option de l'homme, commencer à regarder l'horizon de l'homme et à projeter dans la vie politique des plans, des modèles de vie qui, aujourd'hui, nous apparaîtraient comme étant absolument impossibles. Mais je crois que pour que ceci se fasse, il sera nécessaire que l'homme vive sa crise jusqu'au bout. Et c'est pour ça que je dis que cette nouvelle redéfinition du politique, cette nouvelle redéfinition de la société, en fonction de l'énergisation du mental de l'homme, se fera après la crise. L'homme devra payer le prix de la crise pour bénéficier du pouvoir de l'esprit, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Alors, à travers cette crise évolutive, douloureuse mais nécessaire et peut-être même salutaire, il y a donc remise en question perpétuelle de tous nos systèmes de valeurs, de nos systèmes philosophiques de pensée, systèmes économiques, sociaux, religieux, etc. Et il y a également, certainement pour l'homme, un seuil de souffrance qui va lui être intolérable, imposé et intolérable. N'y a-t-il pas une façon ou un moyen pour l'homme de traverser intelligemment cette fin de cycle-là et de neutraliser ou de temporiser en quelque sorte la souffrance? C'est une question intéressante. Je ne crois pas. Je crois que la crise elle est essentielle pour que pénètre l'esprit dans l'homme. Pour qu'il y ait chez l'homme un changement, il faut qu'il y ait une souffrance, un certain seuil de souffrance. Je ne suis pas de type optimiste dans ce sens que l'homme puisse passer à travers cette crise sans souffrir. Je crois que l'homme sera obligé de la vivre de façon intense selon son individualité, selon son stage d'évolution, son niveau d'évolution, sa maturité. Et je crois que les nations les plus fortes, les systèmes les plus forts, les plus en santé, dépasseront les conditions difficiles de cette crise. Et nous savons très bien, dans le cadre de la biologie, par exemple, de la génétique, que ce sont toujours les systèmes les plus en santé qui réussissent à continuer leur évolution. Et sur le plan de l'esprit, sur le plan de la gestion du matériel humain, sur le plan de la gestion de la société, je crois que ce sera la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Mais nous devons savoir, et c'est ici qu'entre en jeu l'importance de la psychologie, l'importance de l'éducation. Nous devons savoir profondément qu'il y a des réponses à la crise, qu'il y a des réponses à cette mutation, qu'il y a des réponses à cette question profonde de l'homme, où va-t-il? Où les événements vont-ils l'amener? Et ces réponses sont enfouies dans le sol de sa conscience primitive, et elles doivent être déterrées. Et l'homme pourra déterrer ces réponses s'il se donne la chance de regarder devant lui au lieu de continuer de façon enfantine à fonder son avenir sur son passé. L'homme doit regarder dans l'avenir avec une vision nouvelle. Il doit, les écailles doivent tomber de ses yeux afin que son esprit soit plus en position de donner à son intelligence de la clarté. Mais si l'homme, au niveau de son ego, de son intellect, se refuse d'absorber les nouveaux rayons de cet esprit qui essaie de pénétrer son intelligence, il est évident qu'il souffrira parce qu'il fondera son expérience présente sur sa mémoire. Il verra des clichés sombres. Il se nourrira de pensées sombres. Et automatiquement, son émotivité aggravera la situation. Et sur le plan collectif, ceci pourra facilement mener à une névrose, à une contagion sociale, à une déprogrammation psychologique sociale, de sorte que l'homme trouvera dans la terreur, trouvera dans la dissolution rapide et animale de son système de vie, la réponse optée. Et ce ne sera pas là. Ce ne sera pas dans le terrorisme des idées, ce ne sera pas dans le terrorisme de l'armement, ce ne sera pas dans le terrorisme de l'activité intellectuelle contre l'homme qu'il pourra découvrir la réponse à son avenir. L'homme sera obligé de prendre possession de ses sens, c'est-à-dire possession de son esprit. Il sera obligé de regarder en face les événements et réaliser que les événements tels qu'ils sont aujourd'hui sur la Terre ne sont pas simplement le reflet de son activité, mais ils sont le reflet de l'activité de l'esprit à travers son intellect primitif. Et lorsque l'homme aura réalisé ceci, lorsqu'il aura compris que son intellect, qu'il croit être son intelligence, n'est pas aussi intelligent qu'il le croit, il commencera à comprendre quelque chose, et là, il se donnera la peine de s'asseoir, de réfléchir, et de prendre conscience. L'homme doit prendre conscience, c'est-à-dire qu'il doit commencer à toucher du doigt ce qui, dans le passé, a toujours été refoulé, ce qui a toujours été emmuré dans les tabous. L'homme doit prendre conscience que la vie, c'est la puissance. La vie, c'est puissant. Et lorsque la vie passe à travers une forme, qu'elle soit sociale ou individuelle, elle crée un raz-de-marée. Cet raz-de-marée, c'est la crise, et ensuite vient un autre cycle. Donc, je ne crois pas que l'homme vivra la fin du cycle assis sur son balcon, sans broncher. Je crois que l'homme verra des choses, sera obligé de voir des choses, sentir des choses et voir jusqu'à quel point il a été idiot. Et tant que l'homme ne réalisera pas qu'il a été idiot, il ne pourra pas commencer à comprendre ce qu'est l'intelligence. Parce que, comme je dis, l'intelligence créative, ce n'est pas de l'intellect. Il y a une marge infinie entre ce que nous considérons de l'intelligence créative et ce que nous connaissons comme étant de l'intellect. Il y a une marge infinie, et cette marge sera connue, investiguée, comprise au fur et à mesure que l'homme vivra cette transmutation émotive et cette transmutation mentale. Et alors, l'après-crise, l'après-crise ou la genèse d'un monde nouveau, comment voyez-vous ça? L'après-crise, je la vois comme la restructuration mondiale sur le plan de la politique. Je la vois comme l'effort inexorable, inévitable et essentiel de tous les gouvernements de se regrouper dans une mentalité politique nouvelle. Je la vois comme étant une phase où le nationalisme obscurantiste que nous connaissons aura été éliminé. Je la vois comme étant une phase où il y aura eu synthèse entre la Russie et les États-Unis. Je la vois où il y aura eu une réorganisation des priorités. Je la vois comme étant une phase où l'homme de la rue, la masse, sera suffisamment averti, suffisamment fatigué, suffisamment atterré par les conditions incontrôlables qui auront été déclenchées par les forces sociales et qui automatiquement forceront l'homme à regarder d'un œil perspicace les intentions, les mouvements, la gestion de ses affaires par les gouvernements. Les gouvernements ou le gouvernement mondial qui viendra après cette crise sera sûr. C'est-à-dire que les masses auront compris la vertu de ce gouvernement, parce qu'ils auront compris le manque de vertu de leur propre gouvernement. Donc je vois l'après-crise comme étant un âge nouveau où la guerre n'existera plus, parce qu'il n'y aura plus dans l'homme suffisamment de forces anti-homme. Ces forces auront été éclairées par la souffrance, et c'est pour ça que je dis que la souffrance est nécessaire, parce que c'est cette énergie dans l'homme qui, sur le plan social et aussi sur le plan individuel, éliminera en lui l'animalité obscure, obscurantiste, primitive, égoïste et nationaliste que nous connaissons aujourd'hui, qui terrorise les masses, qui donne le profit à certains monopoles, à certaines grandes puissances et qui empêche que nous ayons sur la Terre une géopolitique inébranlable, c'est-à-dire une géopolitique dont la dynamique, elle est planétaire et soutenue par des courants culturels, raciaux, nationalistes, mais intelligents au lieu de purement égocentrique. Alors on pourrait dire que la crise aura eu pour effet de développer le discernement. La crise aura eu pour effet de développer le discernement, elle aura eu pour effet de forcer l'homme à reconsidérer, à regarder une fois encore, mais avec des yeux nouveaux, la comptabilité, sa gestion. Et l'homme aura tellement souffert dans cette crise, et je ne crois pas que ce que nous vivons aujourd'hui est la fin, l'homme aura tellement souffert dans cette crise qu'il voudra le repos. Ce sera le repos du guerrier. En attendant, la situation de l'homme, c'est une sollicitation permanente pour différents mouvements, pour différentes religions, différents systèmes philosophiques. Il est charrié d'un mouvement à l'autre et il perd l'équilibre, il vacille. C'est un vertige qui frôle la mort. Exactement. Et il y a de plus en plus de cas de suicide, de plus en plus de cas de dépression. Oui. Quelles sont les forces qui sont sous-jacentes à ces états dépressifs? Ce sont les forces de l'esprit. Ce sont les forces de l'esprit qui forcent l'homme à reconsidérer sa position, qui forcent l'homme à regarder d'une façon nouvelle la gestion de son patrimoine. Ce sont des forces qui passent à travers, comme vous le dites, différents mouvements, différentes sectes, différents circuits politiques. Il y a des hommes, naturellement, sur la Terre, qui ont multiples options, qui s'intéressent à telle chose, d'autres hommes qui s'intéressent à telle chose, et toutes les choses, quel que soit leur nom, quelle que soit leur dénomination, quelle que soit leur option ou leur orientation, font partie de l'expérience de l'homme. Je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, sur la Terre, la race humaine vit ce que j'appelle une conscience expérimentale. Elle ne vit pas une conscience créative. L'homme vivra une conscience créative après la fin du siècle, et la conscience expérimentale que nous connaissons aujourd'hui, et qui a été l'expérience de l'homme pendant des millénaires, sert simplement à une chose, à perfectionner ses mécanismes, c'est-à-dire les principes qui constituent sa corporalité matérielle et sa corporalité invisible, c'est-à-dire sa vitalité, son émotivité et sa mentalité. Donc, l'homme a vécu une conscience expérimentale, il a été forcé, dans un certain sens, à demeurer aveugle, il y a eu des impressions créées dans son mental par des forces qu'il ne connaît pas encore aujourd'hui, qui sont encore très obscures, des forces très intelligentes qui ont réussi au cours des siècles à amener l'homme à la fin du XXe siècle à l'apothéose de la composition organique, à l'apothéose de la définition mentale, émotive et vitale, autrement dit, à la totalisation de sa possibilité en tant qu'être humain terrestre. Et je crois qu'à la fin du siècle, après la crise, cette dernière grande crise, l'homme sera prêt à recommencer son évolution, c'est-à-dire à réellement comprendre qu'il est sur la terre pour son bien-être, qu'il est sur la terre pour parfaire son intelligence et se donner la chance de créer, ce qui dans le passé était impossible, parce que dans le passé, son intellect était trop, ou je dirais, alourdi par des formes dont il ne connaissait pas les lois. Donc, l'homme ne connaissant pas son esprit dans le passé, était obligé de vivre son intelligence le mieux possible, tandis que demain, l'homme connaîtra son esprit, c'est-à-dire qu'il sera capable de faire la synthèse de cette énergie sur le plan mental et de diriger à sa volonté, selon sa volonté et sa vision, l'évolution future de son humanité. Alors, ça vient à dire que toute cette condition involutive par laquelle est passé l'homme à travers différentes civilisations avait quand même un objectif. Mais la notion de progrès telle que les modernes se la représentent, c'est une ascension permanente. Et les ésotéristes perçoivent ce progrès au niveau de la conscience, et il semblerait que depuis l'apparition de l'esprit sur la Terre jusqu'à nos jours, on serait plutôt en régression plutôt qu'en ascension. C'est-à-dire que les ésotéristes ont tendance à penser à l'homme d'une façon universelle, et c'est très bien, parce que l'homme est un être universel. Et ils ont tendance à penser à l'évolution en termes de progression permanente. Ça, c'est vrai dans un sens seulement. Dans ce sens que la période que nous avons connue jusqu'à nos jours est une période évolutive, c'est-à-dire c'était la période qui a permis à l'esprit de descendre dans la matière, de former les corps physiques et subtils de l'homme. Mais maintenant que nous entrons dans une nouvelle époque où ces corps sont formés, nous entrons dans ce que nous pouvons appeler l'évolution. L'homme commence maintenant, à la fin du XXe siècle, son évolution réelle, c'est-à-dire qu'il prend possession de son territoire psychique. Tandis qu'auparavant, l'homme était esclave de son territoire psychique. Il était esclave de ses rêves, il était esclave de ses fantômes, de ses fantaisies, il était esclave de sa pensée subjective, de ses émotions. Tandis que l'homme de demain ne sera plus esclave de la forme qui constitue la dimensionnalité de son intelligence, parce qu'il aura connu la synthèse de l'esprit, autrement dit de cette énergie créative avec son mental. Donc, nous entrons dans une phase qui est effectivement évolutive, et nous sortons d'une phase qui était effectivement évolutive. Mais derrière ces deux phases, il y a eu acquisition de conscience, mais acquisition de conscience, et ceci je le considère comme très important, acquisition de conscience non pas pour le bénéfice de l'ego, mais pour le bénéfice des forces intelligentes qui sont sous-jacentes à l'organisation matérielle de l'homme. Et c'est pour ça que je dis que l'homme, maintenant, doit devenir autonome, centrique, c'est-à-dire un être capable de gérer ou de faire la gestion lui-même, par lui-même, du matériel psychique en lui, au lieu que ce matériel lui soit imposé, comme il lui a été imposé par le passé, à travers les philosophies, à travers les religions, à travers les systèmes qui ont changé constamment. Donc, l'homme doit commencer à sentir sous ses pieds. le roc de la vie, c'est-à-dire le roc de la pensée, c'est-à-dire le pouvoir de la pensée, afin de ne jamais pouvoir regarder derrière lui et dire, bon, il y a 50 ans, il y a 100 ans, nous étions primitifs, nous avons fait des erreurs, nous devons corriger. L'homme n'a plus le temps de corriger son évolution. L'homme n'a plus d'énergie à perdre, à corriger et à effacer sur le tableau de la vie les choses qu'il a composées. L'homme doit être suffisamment intelligent après la synthèse, après la mutation, pour être capable d'instantanément lire parfaitement les événements créatifs de sa vie, afin que la science avance à un rythme très rapide pour que l'homme éventuellement soit capable de créer des systèmes parallèles avec une science qui existe dans le cosmos et qui pourra éventuellement rencontrer ou faire liaison avec celle de l'homme, donnant ainsi à l'homme une très grande puissance d'investigation des modèles de vie qui existent dans d'autres parties de la galaxie et lui permettant ainsi de reconnaître les différentes formes de vie, les différentes formes de conscience expérimentale qui existent dans ces mondes, mais qui ne sont pas alourdies par l'impuissance de l'activité de l'esprit à travers un ego qui a été trop animalisé pendant l'évolution. Bien, alors si on prend pour acquis que cette centricité qui est à développer chez l'homme aboutit, il me semble, nécessairement vers une sorte d'autonomie, quel va être le lien entre cette autonomie, cette individualité et la collectivité, le social? C'est une question intéressante encore une fois. Le lien sera très différent. Je ne vois pas l'homme de demain, l'homme conscient, l'homme qui possède toutes ses facultés, l'homme qui a le contrôle de l'activité psychique en lui. Je ne vois pas cet homme comme étant un être qui sera assujetti au social. Il y aura une composante sociale qui sera le produit affirmatif d'une créativité individuelle. L'homme sera l'être, le paramètre important dans la société. Ce ne sera plus la société qui sera importante. Ceci ne veut pas dire que la société ne sera pas importante, mais ceci veut dire que le centre de force de l'activité vitale, biomentale sur la Terre sera dans l'homme. Et l'homme, à cause de son pouvoir relationnel, de sa capacité éventuellement télépathique, pourra créer un social qui sera vivant au lieu d'être amorphe et forcé d'être prisonnier des fortes influences qui circulent à l'intérieur de son médium. Aujourd'hui, nous savons très bien que dans la société ou dans le social, il y a des forces qui circulent et qui empêche le social de réellement exploser dans une composante multidimensionnelle et créative. Bon, dans l'avenir, je vois que l'homme, à cause de sa centricité, de son autonomie, ne pourra pas, dans un sens, vendre son âme à la société. Autrement dit, il ne pourra pas vendre son âme au diable. Autrement dit, il ne pourra pas servir deux maîtres à la fois, le mensonge et le réel. Il sera obligé de vivre du réel parce que le mensonge, c'est-à-dire cet aspect à la fois binaire de la vérité et du faux, sera éliminé parce que l'homme ne vivra plus mentalement de la façon dont nous vivons aujourd'hui. L'homme aujourd'hui a besoin de la vérité et du mensonge pour se former une voie d'accès à un état de mentation suffisamment équilibré pour bien composer avec la vie. Mais ça, c'est parce qu'il est encore prisonnier de la mémoire. Il est encore prisonnier des formes qui lui ont été imposées par institutionnalisation. Tandis que l'homme de demain sera centrique, autonome, il verra, il saura par lui-même, il n'aura pas besoin d'aller chercher à l'extérieur ou dans la mémoire de l'humanité ou dans les archives les éléments nécessaires pour composer avec le social ou avec lui-même. Donc, il ne sera plus prisonnier de la dualité du mensonge et automatiquement, il sera libre de voir dans l'expression sociale de son intelligence, des composantes créatives dynamiques qui ne pourront plus retarder sa relation avec le social et qui ne pourront plus empêcher le social de se métamorphoser constamment et de façon permanente afin de devenir de plus en plus une société de très haute civilisation permettant à l'homme, pour la première fois, de régir au lieu d'être régi. Donc, dégager des lois de la polarité, les structures sociales n'auront plus qu'à se plier à son nouveau point de vue, à cette nouvelle alternative. Exactement. La société sera alimentée par l'homme créatif, elle sera alimentée par sa créativité, mais les forces en elle, à l'intérieur d'elle, qui cherchent en général à épuiser ce qui dans l'homme est vital, seront impuissantes parce que l'homme sera trop puissant. Ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que la société est devenue plus puissante que l'homme. L'homme n'a plus de puissance. Souvent, nous entendons dire des gens, l'homme est devenu un numéro. Et moins l'homme prend de responsabilité, plus le gouvernement est responsable pour lui. Exactement, et le gouvernement n'a pas de choix. Parce que le gouvernement ne peut pas voir que sa politique ou sa fonction de socialiser, l'homme échoue. C'est normal. En guise de conclusion. En guise de conclusion, je dis qu'il est très important pour les individus dans le monde, pour les hommes d'intelligence, pour les hommes de bonne volonté, pour les hommes qui sont sensibles, intuitifs, de regarder pour la première fois leur nombril. Il est temps que l'homme commence à regarder son nombril et qu'il cesse de regarder le nombril des autres. Et quand l'homme se sera habitué à regarder son nombril, qu'il ne sera plus offusqué de regarder son nombril, qu'il n'aura plus la culpabilité de regarder son nombril, à ce moment-là, il commencera à regarder quelque chose qui est bien et il verra que son nombril, dans le fond, c'est un soleil. Mais tant qu'il n'aura pas appris à regarder son nombril, il aura perdu de vue son individualité. Il est évident que dans le regard du nombril, dans cette expertise nouvelle, il y aura chez lui des erreurs. Il fera des erreurs parce qu'il se fixera trop sur son nombril. Mais ceci fait partie de l'expérience. Mais s'il ne commence pas à regarder son nombril, comment voulez-vous qu'il commence à regarder ce qui est en lui, dans sa tête, ce qui fait partie de son esprit, ce qui fait partie de sa réalité? Eh bien, merci beaucoup, Bernard de Montréal, et à la semaine prochaine.